Wesh, wesh gars, mec, tranquille? Ça va ou quoi? Ça se passe comme ça. Wesh, t'as entendu parler là, tout deep? Ouais, ils ouais. Sortir un scud là. Pue t'as vu merde. Ces gros bâtards là, ils puent la merde. Ils savent rien faire, tout ça, ils veulent jouer les grands. Ah, ils veulent faire les beaux. Ça. Non mais laisse tomber, c'est moisi ça. C'est... Bah qu'est-ce qui se passe ah, ouais, là, les gars, on parlait comme ça. Ah, ouais, non, mais, là. Non mais je disais que... Comment ça? Ah non mais... Bah tiens, mange ça dans ta gueule, écoute ce scud mec. Oh. Pas en slip, on joue les darons, un peu de seum dans nos pipes. Dans la street, on te met un poil sans strip. Frère d'armes, une imposition qui tabasse. Nouvelle génération, on est les enfants de la basse. Une feuille et un crayon pour faire passer nos idées. Pour faire ressortir tout ce qui a été prohibé. Je dis pas que je viens d'un quartier forcément favorisé. Je dis pas que je suis dans la merde, je me suis pas senti visé. Tout dit, trop uni, personne peut nous diviser. Faut pas que tu perdes tes couilles, tu peux pas improviser. Un son, un beat, pensez à ça en fumant un stick. Tout dit, de mon empire la première brique. Je veux pas quitter ce monde sans avoir rien fait. Tout deep, retrace ma vie dans mes versets, sort du pénitencier. 89 sans pitié, au canon scié, le quartier je vais représenter. C'est un buzz, pour une fois je l'ai dédicacé. Un gros joint de bœuf qui finira par te casser. Tout deep, de MC qui débarque, tu flippes. Teste tant que tu veux, on repartira pas en slip. On joue les darons, un peu de seum dans nos pipes. Dans la street, on te met à poil sans strip. Tout deep, de MC qui débarque, tu flippes. Teste tant que tu veux, on repartira pas en slip. On joue les darons, un peu de seum dans nos pipes. Dans la street, on te met à poil sans strip. Tout deep, en rapport présenté, pas là pour jouer les beaux. Eh, désolé, fais gaffe à ta go. On risque de fusionner notre mélange. Risque d'empoisonner sans c'est un jour toute la France. 800 sans pitié, tout jeep créer l'enfance pour rappeler aux gens que le rap n'est pas mort dans ma ville. Les MC sont hardcore, pas du son commercial. Pour toucher la thune et des grosses têtes qui veulent marcher sur la lune, que du rap sensé. Réfléchis, penser, une instru sur laquelle on te fait danser. Ce que t'entends, un putain complexe de complices qui braquent les hip-hop en tendresse face à nous. Tu peux pas test, tu stresses, t'encaisses. M'explique-toi de bouger tes fesses. Tout jeep, de MC qui débarque, tu flippes. Test tant que tu veux, on repartira pas en slip. On joue les darons, un peu de seum dans nos pipes. Dans la street, on te met à poil sans strip. Tout jeep, de MC qui débarque, tu flippes. Test tant que tu veux, on repartira pas en slip. On joue les darons, un peu de seum dans nos pipes. Dans la street, on te met à poil sans strip. Frères d'armes, attends on échauffe nos lames. On passera à l'attaque pour faire couler trop de larmes, trop de blâme. Nous on pratique l'art de l'âme. Nes flex la dalle, le mic on le dame. Trop de drame, pas de vieux os sur le macadam. J'finirai à dame, gros bif, bis et cam. Tout deep élégant, à l'aise dans les flammes. Tout deep m'élégant et le ring s'enflamme. Dans le rap, il reste une gamelle avant la manger. À ce qui paraît le rap est en danger. Nous n'est pas payé, on cherche qu'à plonger. Dans le tas de rappeurs qui poule, qui déstable des singes. Trop souvent je ris la tête dans le cul, fonce des putain flex, on se rapproche du décès. Faut ralentir ce rythme, moi se presser. Sachez tous que tout jeep jusqu'à la mort va vous blesser. Tout jeep, de MC qui débarque, tu flippes. Test tant que tu veux, on repartira pas en slip. On joue les darons, un peu de seum dans nos pipes. Dans la street, on te met à poil sans strip. Tout jeep, de MC qui débarque, tu flippes. Test tant que tu veux, on repartira pas en slip. On joue les darons, un peu de seum dans nos pipes. Dans la street, on te met à poil sans strip. Tout jeep, de MC qui débarque, tu flippes. Test tant que tu veux, on repartira pas en slip. On joue les darons, un peu de seum dans nos pipes. Dans la street, on te met à poil sans strip. Tout jeep, de MC qui débarque, tu flippes. Test tant que tu veux, on repartira pas en slip. On joue les darons, un peu de seum dans nos pipes. Dans la street, on te met à poil sans strip.